secret de Maxi. R2R, R2R. L-E-R-E-D-I-C. Yo, cool, ça, cross, zéro, killer, killer. Comme l'a dit mon putain de paternel, mon fils cesse de jouer au con, on n'est pas éternel. J'y ai dit près de moi, y'avait pas plus de diable que dangereux que de moi. Certains disent qu'il n'y a pas plus dangereux, elles sont ça. À 19 ans, j'étais plein de vis, hein. J'vendais mon shit ça. Vu que mon père est fier de son fils, hein. J'vendais, j'fumais, j'buvais, j'en avais 17 ans. Des conneries j'en faisais, des conneries j'en disais tant. J'ai 27 ans, fin de soirée, j'suis rap, regardez stylé. Des tartes à ceux qui me disent que c'est pas style, ceux qui me disent stylé. Mon état d'esprit, mon état d'esprit. Si t'as vu mon état d'esprit, mais je m'en ai pas le respect. J'emmerde les riches, comme ceux qui ont la dégaine à Steve Urkel. Qui nargue en Mercedes, moi tu Benz, j'ai du Uncle. Pas de mea culpa, moi on m'encule pas. Ici ton vie s'y colle pas, frère. Hérétique, je lui t'y colle pas. On est ni de la même génération, ni même la même mère. Mais on est tous sur les nerfs, tous bloqués dans la même mer. Tous hommes des frères, tous solidaires, et tous différents, tous réitères, contre attention, et indifférents. On est ni de la même génération, ni même la même mère. Mais on est tous sur les nerfs, tous bloqués dans la même mer. Tous hommes des frères, tous solidaires, et tous différents, tous réitères, contre attention, et indifférents. Presque la vingtaine, et regarde-moi, je suis lamentable. Je possède rien à taille, je rêve d'une messe à la mentale. Faut que j'atteigne mes buts et que je passe la porte de mes rêves. Je m'en tape d'être connu, donc je touche le micro de mes lèvres. Tu n'es pas Domenech. Faut que tu te rends compte de la victoire. Maintenant c'est plus la stratégie, c'est l'argent qui mène à la victoire. C'est comme ça mec, si t'es pop, t'es dans la merde. C'est pour ça que moi et mes potes, on a la dalle comme les dents de la merde. 2010 madame, j'suis pas venu vous lécher la charte. J'dis pas que tu es un rebelle, même si j'ai jamais signé la charte. Le mal de vivre m'anime, mais j'm'en fous tant que j'avance. Si j'suis comme un con dans ce parc à faire des pas en avant. C'est très tard, les lampadaires sont éteints, il fait tout noir. En effet, j'suis tout seul, j'pète un plomb vu que tout nard. La prochaine fois qu'on me dira que j'fais pas grand chose d'utile, j'crois que c'est sûr que j'ferai tout péter comme dans Call of Duty. On est ni de la même génération, ni même la même mère. Mais on est tous sur les nerfs, tous bloqués dans la même mer. Tous sommes des frères, tous solidaires, tous différents, tous réitères, contre attention, et indifférents. On est ni de la même génération, ni même la même mère. Mais on est tous sur les nerfs, tous bloqués dans la même mer. Tous sommes des frères, tous solidaires, tous différents, tous réitères, contre attention, et indifférents. On est ni de la même génération, ni même la même mère. Mais on est tous sur les nerfs, tous bloqués dans la même mer. Tous sommes des frères, tous solidaires, tous différents, tous réitères, contre attention, et indifférents. On est ni de la même génération, ni même la même mère. Mais on est tous sur les nerfs, tous bloqués dans la même mer. Tous sommes des frères, tous solidaires, tous différents, tous réitères, contre attention, et indifférents. L'hérétique R2N, c'est comme une tornade sur l'Ohio. C'est tellement le fou de la génération. Qu'on n'a pas de cœur mais un noyau. Qu'on n'a pas de cœur mais un noyau.